Frères et sœurs, aujourd'hui, comme je disais, nous fêtons Notre-Dame de Guadalupe. Alors, c'est toujours au cœur de l'hiver. C'était autrefois, vous savez, on faisait une neuvaine après la fête de l'Immaculée Conception. Et puis, le lendemain de la fête de l'Immaculée Conception, en 1800, j'ai oublié la date, 1850, 51, je crois, au Mexique, à Mexico, justement, un jeune garçon, Juan Diego, monte sur une colline, en passant par une colline pour aller au village, et sur cette colline, voit une belle dame qui s'adresse à lui et qui lui demande « Que fais-tu, Juan Diego ?» Il dit « Je vais à l'église pour honorer la Sainte Vierge. » C'était un samedi, pour prier, pour aller à la messe pour la Sainte Vierge. Et la dame lui dit « Mais je suis la Sainte Vierge. Ne suis-je pas ta mère ?» Et alors Juan Diego est tout étonné. Il lui dit « Voilà, va voir l'évêque à la ville et va lui demander de construire ici une chapelle. Je veux qu'on vienne prier ici. » Alors Juan Diego s'exécute immédiatement, il court à l'évêché, immédiatement, et puis en arrivant à l'évêché, on le reçoit tout de suite. L'évêque le reçoit, ça c'est le fait des grands hommes, vous savez. Grands hommes sont faciles d'accès en général. C'est les gens entre les deux, les moyens, qui se mettent un petit peu des barrières. Alors voilà, cet évêque, l'évêque de Mexico, l'accueille volontiers et... Donc, Juan Diego raconte ce qu'il a vu. Alors, l'évêque est un petit peu sceptique quand même. Hein. Tout bon qu'il est un peu sceptique. Il se dit, ce petit garçon-là, il est peut-être un petit peu illuminé. Et donc, il lui dit, bah, écoute, cette dame, demande-lui de faire un signe, de nous donner un signe pour que je sois sûr de ce que tu me racontes. Alors, Juan Diego repart. Et puis, le temps passe, quelques jours passent. Et puis, c'est le 12 décembre, que Juan Diego a peur de revoir la belle dame. Hein. Il en a très peur, il est très effrayé parce qu'il se demande ce qui va lui arriver. Hein, il va justement à l'église pour aller chercher le Saint-Sacrement pour le porter à son oncle malade. Et Juan Diego essaye de, comme il est pressé, essaye de contourner la colline parce qu'il a peur de rencontrer la belle dame. Et de ne pas être à l'heure. Il contourne la colline et là, paf, il voit la Sainte Vierge. La Sainte Vierge qui lui dit, Juan Diego, monte sur la colline, t'inquiète pas, ton oncle est guéri. Alors il monte sur la colline et là, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un parterre de roses en plein hiver. Hein, à cette période-là, il n'y a pas de roses. Il trouve plein de roses par terre. Alors il comprend que c'est le signe que la Sainte Vierge va obéir à l'évêque. Qu'elle a obéi à l'évêque, elle lui a donné un signe. Alors il ramasse toutes ses roses, il les met dans son poncho, il descend immédiatement à l'évêché, il dit « Voilà, Monseigneur, alors bien sûr l'évêque l'accueille encore une fois, Monseigneur, regardez ce que la Sainte Vierge a fait comme signe. » Il ouvre son manteau et là, toutes les roses tombent par terre. L'évêque est complètement étonné, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces roses en plein hiver, c'est pas possible ?» Et à ce moment-là, non seulement il est étonné de voir toutes ces roses, mais il voit sur le poncho de Juan Diego, il voit une magnifique image de la Sainte Vierge, une image très mystérieuse que personne n'a compris, dont personne n'a compris comment elle a été imprimée sur ce poncho, sur cette tilma, comme on appelle ça. Et cette image, eh bien, alors on l'a analysée dans tous les sens. On a remarqué que, par exemple, alors il y a énormément de signes extraordinaires sur cette image, mais par exemple, un signe qui est très marquant, c'est que cette image, déjà, on voit qu'elle évolue avec le temps, non pas qu'elle s'abîme, mais au contraire qu'elle évolue, et puis qu'elle a gravé dans les pupilles de la Sainte Vierge, ça c'est quand même extraordinaire, dans les pupilles de la Sainte Vierge sur cette image, on voit l'image de ce qu'elle a vu au moment où on a ouvert la tilma, c'est-à-dire on voit l'évêque, toutes les personnes qui étaient présentes autour de l'évêque, le père de Juan Diego qui était là aussi, on voit dans la pupille de la Sainte Vierge. Alors ça c'est incroyable. On le voit qu'aujourd'hui, avec les microscopes, on a pu observer ça. Bon, je ne ferai pas tout le détail de toutes les merveilles qu'on voit sur cette tilma, notamment que pendant le moment où le gouvernement mexicain a voté la loi sur l'avortement, on a vu dans le manteau, dans la tilma, on a vu un fœtus lumineux. dessiné sur le, dans le ventre de la Sainte Vierge. Un fœtus lumineux comme pour rappeler, attention, attention, les enfants qui sont dans le ventre, dans leur mère, sont des êtres vivants avec une âme. Ils sont voulus par Dieu et on n'a pas le droit de leur ôter la vie. Alors, Notre-Dame de Guadeloupe, vous voyez, est devenue très rapidement un lieu, cet endroit, cette colline est devenue très rapidement un lieu de pèlerinage immense. C'est le lieu le plus grand lieu de pèlerinage du monde après Rome. Et elle est devenue la patronne du Nouveau Monde, des Amériques. Et puis, depuis peu, depuis Jean-Paul II, depuis ce grand miracle du fœtus, la patronne des enfants à naître. Je crois que Notre-Dame de Guadeloupe est donnée aussi au monde entier, pour rappeler le mystère de la femme, de la féminité. Alors nous demandons à la Vierge Marie, qui est Notre-Dame de Guadeloupe aujourd'hui, eh bien de protéger toutes les femmes de la terre, de leur faire comprendre que leur féminité est un don de Dieu et qu'elles ne doivent pas s'en emparer violemment, comme elles ne doivent pas décider par elles-mêmes de quel est l'enfant qui doit vivre ou pas, malgré toutes les circonstances dans lesquelles peuvent apparaître la vie parfois dramatique. Eh bien que le Seigneur donne la grâce à toutes les femmes de la terre d'aimer la vie plus que tout, pour l'amour de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.